Nous tissons la trame de l'histoire. La loi de 1905 et ses applications. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des églises et de l'État. Le texte est d'importance, il rompt avec le concordat de 1802. Le catholicisme, religion de la grande majorité des citoyens, y était conçu en rempart de l'ordre, ses évêques et ses prêtres salariés tels des fonctionnaires. La séparation, telle que la choisissent ses inspirateurs de 1905, partisans de l'apaisement, ne met pas pour autant fin aux relations des églises et de l'État. La République ne reconnaît plus les cultes, cependant, elle a encore à les connaître, puisqu'elle se préoccupe de la liberté de leur exercice. À cet effet sont considérées toutes les questions de biens, d'argent qui pourraient se poser pour les édifices. La loi imagine des interlocuteurs, pour chacun d'entre eux, les associations cultuelles. Au début de 1906, l'inventaire des églises, avant transfert, vire au tragique dans certaines régions. Clémenceau, ministre de l'Intérieur, en conclura qu'on ne doit pas mettre en jeu des vies humaines pour compter des chandeliers. Ce sont les diocèses qui, de fait, deviennent affectataires des églises. La loi du 9 décembre 1905 avait tout prévu par le menu, sauf tout de même l'avantage qu'en tirera au final l'Église, assurée désormais d'une assise matérielle stable. La loi avait tout prévu, mais l'islam, pourtant si présent dans les colonies, n'était pas sur la photo. Si plastique soit-elle, la loi peut-elle lui faire une place aujourd'hui sans être modifiée? La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Gérard Wint, qui est professeur de classe préparatoire, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Pilier du groupe Alternative Économique, on a souvent les mêmes préoccupations, vous et nous. C'est-à-dire qu'on cherche à interroger l'histoire avec les questions du présent. Vous publiez dans la publication en ligne de votre groupe, Alter Echo Plus, un article sur 1905. Il y a tellement d'approximations qui courent sur 1905. Vous me permettez que j'en cite une? Oui, je vous en prie. Nicolas Sarkozy, pour illustrer la loi de 1905, le point, 29 janvier, prend l'exemple des curés bretons. Ceux-ci n'auraient pas voulu se soumettre à la loi de 1905 et auraient continué à prêcher en breton. Mais il n'y a nulle part quoi que ce soit qui concerne la langue de la prédication dans la loi de 1905, même s'il y a pu y avoir des débats avant. Il y a beaucoup d'approximations dans la mémoire. Oui, disons que de tous bords d'ailleurs, hein, de tous bords, que l'on soit défenseur acharné de la laïcité à définir, hein, ou que l'on soit, je dirais, de l'autre bord, on appelle souvent à la rescousse cette loi sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Alors contextualisons, prenons quelques pas en arrière. C'est quand même étrange, à la fin du 19e siècle, la République est maintenant majoritaire. Les élections de 1889 ont laminé les royalistes, qui avant représentaient un tiers de la Chambre. Mais la catholicité, comme vous dites joliment, est toujours majoritaire aussi. Et la guerre des deux France est donc fort complexe. Oui, la catholicité, c'est-à-dire l'idée que, je dirais, la morale catholique, un certain nombre de mœurs qui sont défendues par l'Église restent très prégnants dans la société. Mais ceci dit, lorsqu'on regarde ce qui se passe en 1877-79, on s'aperçoit que ce qui permet aux républicains de l'emporter, justement, en 79, c'est qu'un certain nombre de pays catholiques sont aussi républicains. Et que tout le monde catholique ne se résume pas aux monarchistes. Et petit à petit, finalement, les républicains s'attachent à gagner, finalement, politiquement, cette catégorie de la population, en particulier dans le monde rural, d'ailleurs. Alors, le peuple Léon XIII, quand il voit l'effondrement des royalistes, se dit que ce n'est pas la peine de rester attaché à une forme vieillie. Vous savez, c'est comme le chapelain du guépard. Changeons tout pour ne rien changer. Et il propose le ralliement des catholiques à la République en 1890, avec certainement l'arrière-pensée de faire un bloc conservateur avec les républicains les plus à droite et les catholiques. Et ça, c'est le cauchemar pour les anticléricaux. Oui, là, certainement Léon XIII, hein, dans son encyclique Au milieu des sollicitudes, en fait, il pense que pour que l'Église garde une influence finalement en France, eh bien, il faut arrêter le combat contre la République et défendre d'abord l'Église comme institution et les valeurs de l'Église, mais à l'intérieur du système politique. Il ne va pas d'ailleurs être très bien suivi. Et on va voir les mécanismes traditionnels de la catholicité agressive se remettre en mouvement avec l'affaire Dreyfus. Absolument. Toutes les forces les plus importantes, les plus populaires aussi de la catholicité, luttent contre le capitaine. Oui, il est certain que à travers le premier ralliement, il y avait eu un certain nombre de catholiques libéraux, de catholiques sociaux qui s'étaient engouffrés dans la brèche. Mais l'affaire Dreyfus va être un clivage quand même. La majorité, pas tous, mais la majorité des catholiques et de l'Église et des congrégations aussi qui représentent fortement l'Église vont être très anti-Dreyfusardes, antisémites, on peut le dire. Hein, il y a qu'à voir ce qu'était la croix. Qui n'est plus comme aujourd'hui, qui était La Croix à l'époque. Le journal le plus antisémite de Absolument. France. C'était sa publicité. Voilà, c'était vraiment... Et La Croix avait des bâtiments rue Bayard qui voisinaient l'hôtel particulier de Jules Ferry. Et dans les bâtiments de la rue Bayard, il y avait un four à pain et des réserves d'eau en cas de siège. Et en effet, quand le capitaine Dreyfus finit par être gracié, contre-coup, début des années 1900, juste avant la préparation de la loi de séparation, en pluie des mesures contre les congrégations. Oui, il est certain que l'affaire Dreyfus a tendu très fortement les rapports entre les républicains et l'Église, je dirais. Et donc, on va avoir une offensive anticléricale très forte avec la période du petit Percombe. Mais il y a eu la loi 19... Le petit Percombe, c'est le président du Conseil qui est un ancien professeur de collège catholique qui a tourné sous table. Voilà. Hein, d'ailleurs, qui est plutôt concordataire. Hein. Et donc, on va avoir la loi sur les associations de 1901 qui est une loi libérale. Parce que ce qui est très fort, je trouve, dans les mesures républicaines, c'est que ce sont des lois libérales, mais qui en même temps vont pousser vers la laïcité. Oui, parce que les congrégations sont considérées comme des associations et doivent se soumettre aux droits des associations. Donc quand le texte, on en vient au texte, arrive en séance à l'été 1905, les députés catholiques sont remontés à bloc et plusieurs sont là, soutane au vent. La parole est à monsieur l'abbé Guéraud. Messieurs, vous savez que je ne recule pas devant l'expression de mes pensées, ni devant l'affirmation nette et précise de la doctrine catholique. Je vais donc, si vous le permettez, vous dire ici très franchement ce que l'Église catholique enseigne et ce que tous les fidèles enfants de cette Église croient relativement à la séparation de l'Église et de l'État. Pour nous, messieurs, l'idéal des rapports entre l'Église et l'État ne saurait être la séparation. Pour nous, l'idéal, c'est l'union de la société civile et de la société religieuse. C'est la domination du pape. L'union pour la paix des consciences, pour la tranquillité publique. Ces propos sont littéralement scandaleux. Je vous en prie, veuillez me permettre de développer ma pensée dans le calme. J'ai besoin ici, croyez-le, de toute ma tranquillité d'esprit. Chaque orateur y a droit. Michel Lonsdal, dans l'adaptation « La séparation » de François Hans à la télévision, l'abbé Guéraud, député du Finistère, c'était Claude Riche. Le président de l'Assemblée, Paul Doumer, Lonsdal, il promet des débats calmes, sérieux. Ils l'ont été sur 48 séances. Absolument, absolument. C'est remarquable lorsqu'on lit les textes et les échanges dans les séances. Ils sont même assez courtois. Bon, il y a bien sûr des réactions de la salle, mais ils sont assez courtois tout en étant très clairs dans les positions. On le voit bien, la position de l'abbé Guéraud, on ne peut pas imaginer finalement une France où l'Église n'est pas son mot à dire, y compris dans des décisions sociales, voire politiques. C'est ça que vous appelez la catholicité. Ah, c'est la catholicité. Même si, bien sûr, quand je parle de l'Église, c'est pas forcément d'ailleurs le pape. Hein, c'est aussi l'Église de France. Enfin, bon. Donc, il y a des débats qui sont très vifs, mais en même temps très riche, effectivement. Et il y a des grandes voix hein, qui vont s'exprimer, plus, je dirais, au centre, à gauche et un petit peu à l'extrême gauche. Hein, on a des beaux discours de Jaurès et évidemment la personne centrale comme d'Aristide Briand. On va y venir à Aristide Briand. Mais Aristide Briand, c'est le modérateur, c'est celui qui essaye de créer ce que vous nommez un climat d'apaisement, Gérard Vint. Il y a quand même une tendance anticléricale, libre-penseuse, voire athée, qui voudrait ajouter de l'exclusion à l'exclusion telle qu'elle a été déjà manifestée dans les années 1900 avec l'expulsion des chartreux de leur monastère, la limitation des ordres monastiques, etc. Oui, il y a un anticléricalisme en France tout à fait important. Il y a des groupes, des organisations, non seulement anticléricales, mais antireligieuses. Il y a, depuis le milieu du siècle, il y a un mouvement, c'est le mouvement de la libre-pensée, hein, qui regroupe beaucoup de gens, Jules Simon, etc. On a, à la Chambre, on a un socialiste libre-penseur qui s'appelle Hollard, qui représente bien ce courant en fait, qui vise à petit à petit éliminer, si vous voulez, les idées religieuses hein, de la société. Alors, par exemple, propose qu'on interdise le port de la soutane sur la voie publique. C'est pas le point de vue. Alors, venons-en au rapporteur Aristide Briand, venu du socialisme, enfin un socialisme très évolutif. Et lui, dites-vous, je répète le mot, c'est l'apaisement. Alors, c'est quoi son idée? Je crois que ces républicains, souvent athées, qui ont été très anticléricaux, ils cherchent au fond une paix sociale, je pense, tout en émancipant l'État complètement du poids de l'Église. Hein. Mais ils cherchent leur préoccupation désormais, c'est beaucoup plus. Ils voudraient passer à la question sociale et régler la question religieuse. Aristide Briand, toujours dans le téléfilm La Séparation, interprété par Pierre Arditi. Nous sommes à la dernière séance de discussion. La parole sur l'ensemble du texte à Monsieur Aristide Briand, rapporteur de la Commission. Sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement, le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne pussent accepter. On m'a fait grief de certaines concessions au centre et à la droite. Je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. Alors dans votre article d'Alter Ego Plus, vous notez deux, trois points saillants du texte tel qu'il est adopté. Absolument. Bon d'abord, Aristide Briand disait lui-même, si on ne devait retenir qu'une chose, ce serait l'article 1. L'article 1, c'est « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Donc, la religion, ce n'est pas les religions, hein, puisqu'il s'agit évidemment de... De quatre cultes, voilà. Le catholique, le voilà. Luthérien, le calviniste, le culte juif. Voilà, qui étaient donc les cultes concordataires, et éventuellement d'autres après tout. Hein. Il reconnaît non seulement la liberté de conscience, de penser, de croire ce qu'on veut, mais d'exercer son culte. Donc c'est, comme le dit Émile Poula dans un bouquin, c'est une laïcité publique. Hein, ce n'est pas purement privé quand même, hein, c'est quelque chose d'important. Puis il y a l'article 2, alors qui instaure la séparation. Hein, la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Les établissements publics du culte sont supprimés. Hein, donc là, ne reconnaît parce que le concordat, c'était on reconnaissait que quatre cultes. Oui, mais elle a à connaître des conditions de l'exercice du culte qu'elle garantit et de l'entretien et de l'affectation des édifices du culte. On en parlera dans un instant. C'est une loi d'apaisement, on le dit pour la troisième fois. Allez, on va quand même rendre hommage au bout de feu de l'anticléricalisme. La chanson anticléricale, c'était une industrie florissante à la fin du 19e siècle, avait beaucoup de succès depuis 1881, la Marseillaise anticléricale d'un nommé Léo Taxil. Un drôle de zozo, l'interprétation ici, Marc Augeret. Quoi ces curés et leurs vicaires feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers? Seraient un jour nos meurtriers? Car ces cafards de vile race sont nés pour être inquisiteurs. À la porte les imposteurs, place à la République, place aux urnes citoyennes contre les clérics. Tremblez coquins, cachez-vous traîtres, disparaissez loin de nos yeux. Le peuple ne veut plus de prêtres, patrie et loi, voilà ses dieux. Patrie et loi, voilà ses dieux. Assez de vos pratiques niaises, les vices sont vos qualités. Vous réclamez les libertés, il n'en est pas pour les punaises. Aux urnes citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Avec Gérard Vint, c'était 1 minute 55 d'anticléricalisme pur, avant qu'on ne revienne à la loi de 1905. Enfin, quand je dis anticléricalisme pur, Léo Taxil a fait semblant de se convertir ensuite au catholicisme, mais alors le catholicisme le plus sympathique, vous savez, la revue anti-maçonnique, la dénonciation des complots des francs-maçons, était-il manipulé par eux, était-il vraiment converti? En 1897, donc avant la loi de 1905, il donne une grande conférence de presse où il dit « Mais non, j'ai raconté toutes ces horreurs sur les francs-maçons pour par plaisanterie pure, pour en fait dénoncer les anti-maçons du catholicisme. » Plus personne s'y est retrouvé et il est mort, brûlé aux deux extrémités, un peu seul. Alors... Oui, Gérard Vint. Oui, à propos de cette chanson, bon, on a l'impression que c'est une chanson d'un extrémiste farfelu, un petit peu, et incontrôlable. Il est un peu farfelu, le monsieur. Il est, effectivement, c'est ce qu'il est, effectivement. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, des déclarations d'hommes politiques, Gambetta, 1877, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Jules Ferry, à propos de l'enseignement pour les filles, il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église. Dernière citation. Lors des élections municipales de Paris en 1900, Paris est une rare ville qui bascule de la gauche vers la droite. Et la petite république, dans la petite république de Jaurès, le 13 mai 1900, on peut lire un libelle. Les cafards sont venus en foule, ils courent Paris étonné, il faudra, pour qu'on les refoule, un coup de balai bien donné. Vous voyez, le ton est un petit peu le même que celui de votre Marseillaise. J'allais dire une méchanceté, hein, alternative économique, le slogan c'est « La finance, c'est l'ennemi, ça permet de fédérer beaucoup de monde ». Bon, mais alors revenons, si vous le voulez bien, à la matérielle, à l'application de la loi de 1905. Les associations cultuelles prendront le relais des établissements publics qui assuraient la gestion des églises et des cathédrales, propriété publique depuis la Révolution. Qu'est-ce que c'est que ces associations cultuelles dont Briand nous dit « monts et merveilles » et que l'Église ne peut considérer comme valable ? Bien, il y a un problème de transfert de biens. jusqu'à présent, il y a des établissements publics du culte dans le cadre du concordat qui possèdent ou gèrent des biens qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à ces établissements publics. Il va y avoir donc... Ils disparaissent, ces établissements publics. Il faut bien que les biens qu'ils possèdent ou qu'ils gèrent passent entre d'autres mains, qu'il faut inventer. C'est ça les associations cultuelles. Voilà, c'est ça les associations cultuelles. Et il y a un débat justement pour savoir quelle va être leur nature. Ouais. Est-ce qu'elles vont être liées ou non aux églises, et en particulier évidemment à la hiérarchie catholique. La catholicité n'imagine pas l'atomisation. Il y a la communion avec Rome qui nomme les évêques, qui nomme les curés. Qu'est-ce que c'est que ces associations surgies de rien, de l'élection peut-être. Et alors le transfert, ça suppose un inventaire matériel de tout ce qu'il y a dans les églises et les inventaires provoque dans certaines régions, à Paris, dans l'Ouest, ici nous sommes dans Lyon, autour du château de Saint-Fargeau, enfin je veux dire le château du Plessis-Vaudreuil de Jean d'Ormesson, et les paroissiens et le châtelain vont faire rempart de leur corps face à la force publique. Églises. Applaudissez qui vous osez. Voleurs. Au nom de la loi, je vous somme de vous disperser. C'est le châtelain, naturellement. C'est avec lui qu'il faut parlementer. Si l'on veut arriver à quelque chose. Monsieur Duplessis, j'ai ordre de procéder à l'inventaire du mobilier de l'église. Il ne s'agit nullement de le confisquer, mais de le confier à une association cultuelle dont vous aurez le droit d'être membre. Monsieur... dont j'ignore le nom, les paroissiens de Roussette n'ont nul besoin de vos services. Cette église, leurs aïeux l'ont construite grâce au concours et au denier de mes ancêtres. De tout temps, elle a été la leur. Et ils n'ont pas attendu votre inventaire pour savoir que tout ce qu'elle contient était confié à leurs soins. Jacques Duménil et Sosthène du Plessis-Vaudreuil dans l'adaptation, le téléfilm de Robert Mazeuillet. Ben oui, c'est un bien commun domestique, l'église. Ça se passe encore relativement bien là. C'est contrôlé par le châtelain, il y a de vraies révoltes paysannes dans certaines zones de France. Oui, votre exemple est bien choisi quand même. Alors, ça va être plus ou moins violent. Il y a des endroits où c'est plus violent. Mais les endroits, en tout cas, il y a le plus de mobilisation de la population. Ce sont ce type d'endroits où il y a des notables très bien implantés, royalistes ou fervents catholiques, intransigeants, comme on dit, qui sont en lien très fort avec la population. Une population qui vit sa catholicité en même temps. Qui ne sépare pas finalement le politique du religieux. Et ça, c'est vrai dans l'est du Massif central. Si vous allez en Lozère, si vous allez dans l'ouest de la France, la Bretagne, dans les Flandres aussi, dans le nord de la France. Par contre, il y a nombre de pays chrétiens, le Béarn, le Lot, les Savoies, où la population est très catholique, mais en même temps peut très bien voter républicain. Et là, il n'y a pas d'incidence sur les inventaires. Ouais, les enfin, au Pays Basque, ils mettent des ours devant les portes des églises. Il y a effectivement un certain nombre de cas qui peuvent être plus ou moins folkloriques. Et en Haute-Loire, les femmes manient l'huile bouillante. Alors là, tout à fait. Là, on est dans l'est du Massif central. On est vraiment dans ces régions. Il y a un mort quand même dans le nord de la France qui va d'ailleurs avoir des conséquences. Clémenceau, ministre de l'Intérieur, pourtant fieffé anticlérical, déclare « On ne va pas risquer des vies humaines pour compter des chandeliers ». Et au fond, à partir de 1907, il y a une loi modificative, d'autres textes qui suivent. Les associations cultuelles sont de fait abandonnées et on va avoir recours pour avoir des interlocuteurs à des associations diocésaines qui, si vous me permettez l'expression, sont juste le cache-sexe des évêques. On a affaire avec les évêques, c'est les affectataires, c'est les prêtres de l'Église, nommés par les évêques, lesquels sont nommés par Rome. Oui. Alors, juste une chose, je mentionne que les cultes protestants et israélites vont jouer complètement le jeu de la loi et créer des associations cultuelles. L'Église catholique, non. Et donc, ces associations diocésaines, c'est 1923-1924. En fait, c'est même pas une loi, c'est un échange de lettres avec le Vatican où on se met d'accord. Et finalement, on crée des... Alors, mais ces associations diocésiennes ne vont pas avoir, par exemple, ne vont gérer aucun bien, en fait. Hein, c'est l'État qui va continuer à gérer alors, les bâtiments. Alors, il faut que nos auditeurs comprennent bien, parce que beaucoup de problèmes se posent sur l'usage des églises dans toutes les villes et les villages de France. Il est demandé aux prêtres d'être là, d'exercer le culte quand on a besoin de lui. Mais il n'a pas, en principe, à sortir de l'exercice du culte. Bon, s'il veut organiser un concert, ou si on lui demande d'organiser un concert, il a droit d'ailleurs de voir si le contenu du concert va avec la dignité du culte. Mais il n'a pas, par exemple, prenons une affaire de 1996, le droit d'accueillir 300 étrangers en situation irrégulière dans son église, Saint-Bernard à Paris, ça n'a rien à voir avec le culte. Et le cardinal de Paris, cette année-là, a ordonné que les clés soient remises à la police, parce que il pouvait couvrir un abus d'autorité de la part de son curé. D'ailleurs, les policiers n'ont pas eu besoin d'utiliser les clés parce qu'ils ont enfoncé les portes. L'alerte est donnée. Les manifestants suivent la consigne, ils restent assis pour gêner l'arrivée des forces de l'ordre. Depuis une semaine, différentes organisations politiques et syndicales se relaient aux portes de l'église pour s'opposer à son évacuation. Mais les services d'ordre vont voler en éclats face aux 1000 CRS et gendarmes mobiles. Le quartier est bouclé, les forces de l'ordre repoussent les personnalités et quelques centaines de sympathisants qui veulent accéder à l'église. Première réaction, c'est la honte. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'on avait un gouvernement capable de faire une chose pareille. Ils disent qu'ils appliquent la loi, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas que la loi de la République, il y a aussi les lois humaines. Et les manifestants n'ont pas réussi à bloquer les bus qui transportaient les sans-papiers après 55 jours d'occupation de l'église Saint-Bernard. Alors à feu, Albert Jacquard, qu'on entendait, petit rappel de la loi de la République, qui est complexe, et ça peut se discuter dans cette affaire de Saint-Bernard à l'infini. Oui, absolument. En fait, la loi de 1905 ne dit pas grand-chose là-dessus. Il y a, dans la loi, une police des cultes. Hein, par exemple, on n'a pas le droit d'empêcher l'exercice du culte. Mais là, dans ce cas d'espèce... Les fémènes, aujourd'hui. Par exemple. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas eu entrave. Le culte a continué à s'exercer, l'Église étant occupée. Voilà, oui. Donc, on n'a pas pu s'appuyer sur la loi de 1905. Je peux vous citer juste quelque chose qui est assez original. Le 8 mars 2003, il y a des sans-papiers qui vont occuper brièvement l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay. Elle-même occupée illégalement par des traditionnalistes. Ils ont été tout de suite reçus par la préfecture. Et quand le cardinal de Paris a demandé l'expulsion des traditionnalistes de Saint-Nicolas du Chardonnay, il ne l'a pas obtenu. Saint-Nicolas du Chardonnay mériterait une émission entière, oui, n'est-ce pas, Gérard Vint? Et on n'a pas parlé de toutes les exceptions que le texte, qui n'est jamais qu'un socle, mais un socle assez plastique, a pu laisser se développer dans l'outre-mer, par exemple. Oui, alors cette loi, d'abord, elle n'est pas gravée dans le marbre. Il y a eu 50 modifications à peu près depuis cette époque, des arrêts du Conseil d'État, etc. Et puis, comme vous le dites, il y a l'Alsace-Moselle, il y a... Qui était concordataire et qui l'est resté après qu'elle est redevenue française. Voilà, et l'État continue quand même à financer un certain nombre d'activités culturelles. Et la République s'est aperçue qu'au fond, c'était quand même un peu nécessaire de maintenir des relations diplomatiques avec le Vatican. Ça a été fait dès 1920-1921. Un prénonce apostolique en France. Qu'il soit permis de répéter les vœux séculaires. Dieu protège la France. C'était Mgr Roncalli, nonce en 1950, devant le président de la République, Vincent Thoriol, le nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, et interprète ses vœux au président de la République et à la France.